puis le développer le plus vite possible. Ce que vous pouvez faire d'évolution en dedans d'un an pour vous autres, avec nous autres, ça vous prendrait des vies de faire ça. Bon, ben moi, j'ai une question. Il dit que c'est une île de chiens en haut qui peut faire leur temps nous shaker, pour nous faire vibrer, pour nous faire descendre d'énergie. OK? Faut pas s'en occuper parce que faut mettre les bêtes de temps en temps parce que ça descend trop vite. Puis qu'elle descend vite en souffle. Et tu nous dis, tantôt, tu dis, faut venir me voir que moi, je vous en donne, que je pars à vibration. Ben, toi aussi, t'es un chien? Effectivement, j'étais un chien. Ah, oui. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a un chien en haut et un chien ici. Mais il y a un équilibre entre les deux chiens. C'est parce que tu l'as digéré un peu? Ben, je l'ai digéré. J'ai la résistance. Je suis capable de les prendre, vous autres. Pis ça. Pis ça, faut qu'on vienne te rencontrer personnellement. Non, non, non. Et j'ai dit quand vous venez. Quand on se voit, on parle. Bon, oui, mais... Quand on parle d'une vibration, il y a un changement vibratoire qui se fait quand on parle. Que vous veniez pas, ça ne change rien. Mais si vous venez, il y a un changement vibratoire. Parce que quand je parle, je parle. J'ai dit quelque chose, il y a une vibration qui passe quand je parle. Puis la vibration qui passe fait partie du fait que il y a un équilibre entre le haut et le bas. Je l'ai vécu, l'équilibre. Je suis dans l'équilibre. Ils peuvent pas me faire le tour du coin, eux autres. Je l'ai fait le tour du coin. C'est dans ce sens-là que je dis. Vous bénéficiez de mon expérience à moi, au niveau vibratoire. Quoi? Traduction. Appliquer sa volonté, c'est ça. Appliquer sa volonté? D'abord, vous n'avez pas de volonté. La volonté que vous savez, c'est une petite volonté, c'est lié à votre corps de désir. La volonté qui est la descente de l'énergie d'en haut vers le bas, vous l'avez au fur et à mesure que vous avez appris à vous rebeller contre eux autres. On a dit, dans votre souffrance, quand tu n'as plein de casse, elle descend l'énergie parce que tu prends une décision. Une autre situation se produit, tu n'as plein de casse, tu descends l'énergie. J'appelle ça mettre la hache dedans. C'est prendre une décision. Fait qu'éventuellement, des décisions, t'en prends, pis c'est là que tu traces ton chemin. Fait que là, la volonté, elle descend, puis elle descend, puis elle descend. Alors, plus vous êtes en dehors de la forme, plus vous êtes en dehors des illusions de la forme, des sentiments qui vous lient, qui vous empêchent de vivre votre vie autonome, vous n'êtes pas capable d'appliquer la volonté. Mais aussitôt que vous commencez à le réaliser, là, ça rentre. Fait que la volonté se développe avec le temps. Plus ça va, plus vous avez de la volonté. Plus ça va, plus vous avez du discernement, ça va ensemble. Mais il faut que vous ayez du discernement pour appliquer à volonté. Si vous n'avez pas de discernement, vous ne pouvez pas appliquer à volonté. Il faut voir clair quelque chose. Il faut voir quelque chose pour appliquer à volonté. Tant que tu ne le vois pas, même si c'est bien près de toi, tu ne peux pas l'appliquer à volonté. Les formes vont te retenir. Mais quand tu le vois, là, puis tu commences à être sûr que c'est ça, là, tu as descendu à volonté. Là, il y a un changement vibratoire qui se fait. Il y a un changement. C'est moins lourd, je ne sais pas. Là, t'avances. C'est pas obligé d'être tout le temps. Ma pauvre petite fille, je suis pas plus de dehors à la pilule. Mais non, mais... La souffrance... Pas nécessairement ça, soufflant. La souffrance est toujours proportionnelle à notre propre vie. La souffrance est toujours proportionnelle à notre vie. Tu sais, un gars qui veut courir les Olympiques, s'il veut être top, il faut qu'il souffre. S'il veut être top, il est obligé de souffrir. Moi, la colonne, ça serait ça. D'ordre pas pilule. C'est ça, d'ordre pas pilule, mais... Ça veut dire que, occupe-toi-en pas de ton mal dans la colonne. Puis prends-les pas comme une souffrance qui peut t'aider ou que tu peux penser comme étant élevante. Non, je prends pas de mal de mort. C'est bon. Le cœur depuis le mois, là, parce que je te dis que je ne prends pas de mal. C'est de la souffrance. C'est ça. Mais je peux t'exiger de plus l'avoir, de souffrance. À moi-même, personnellement. Tout est vibratoire. Tout est vibratoire. Tout est vibratoire. C'est une illusion de commander la grandeur de la nuit parce que nous réveille et il nous intéresse.

Ça fait-tu comme une lentille avec un... qui serait ajustée, là, au focus? Elle s'ajuste. Ouais. Elle s'ajuste avec le temps. Elle s'ajuste graduellement. Ça me fait penser à une mère qui profitait de la crise de son bébé, qui a la gueule ouverte pour le fourrer de 2014 dans la voie. Exactement ça. C'est exactement ça. Il te faut crier, je t'attends, tu vous passes la gueule. Ça te fait chier aussi. Ah. C'est ça. Exactement. Exactement. Mandy, il va te le dire. Tu es là le contact. Tu es là le contact. Mandy, il va te l'expliquer. C'est exactement ça. Exactement ça. Je viens de l'expliquer, je ne peux pas vous le demander. Bon, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Moi, je ne veux pas y aller le demander. Pas double en doigt. Je te blâme pas. Non, c'est bon. Hein? Pas fait double en doigt. Non, je vais me voir. C'est ça. Fais ça. Quand tu t'écoutes et tu te trouves bon, c'est bon. C'est un début. T'es pas parfait encore, mais t'es bon. T'as. Il y en a un qui m'accroche, là. Tantôt, quand tu disais, il faut absolument avoir le discernement. C'est essentiel. Oui, je le sais. Il n'y a plus de rien compris ça. Sauf que ce que je comprends avec ça, par exemple, c'est qu'avoir le discernement, c'est pas un cadeau avec j'ai plutôt. C'est un outil, le discernement. D'accord. C'est notre cadeau. C'est un cadeau, le discernement. C'est un cadeau. Si tu comprends pas que le discernement, c'est un cadeau, c'est parce que tu l'as pas en gros. Alors, je dis ça. C'est que quand je suis avec les personnes, tu sais, moi, je dis aux gens, méfiez-vous des psychologues, parce qu'il faut donner dans vos affaires. Parce que les psychologues, ils jouent des entités là-dessus, hein. Qui jouent avec les faits des gens, qui les expliquent. Ils savent pas. Tu sais. Bon. Fait que, bon, j'essaie bien d'être respectueuse de l'idée des gens, puis de la vie des gens, puis du plan d'évolution des gens. Alors, voici que j'ai une madame, moi, je sais-tu si, dans son plan d'évolution, c'est faux qu'elle passe par le flex qui a pris coup. Moi, là, je travaille comme un peu pendant trois entrevues, là, tu sais, pour essayer de voir quelque chose là-dedans. Tout simplement, il y a rien sorti de là. Franchement, là, il y a rien. OK. Ça peut, j'ai la réponse. J'ai la réponse. J'ai la réponse parce que... Parce que c'est être très lié à sa mère, hein. Ça, c'est, ils servent des liens, tu sais, les cordons médicales émotionnels, là. Ils servent des liens émotionnels. Puis au fond, l'hôpital psychiatrique, faut qu'elle aille. Pas à cause de l'hôpital psychiatrique, mais c'est parce que c'est elle, ça, qui va se séparer de sa mère. La personne que tu dois être là pour être correct, parce qu'elle va être séparée de sa mère. Pas à cause de l'hôpital psychiatrique. J'ai normalement pas. Bon, ben, je me tiens. Deuxième tableau. Le deuxième tableau. Il est simpliste à un tel point que si t'as pas, c'est dur. Quand t'es en conversation avec des entités négatives, tu représentes toujours sur le plan matériel le prince de la lumière. Mm-hmm. Tu peux-tu comprendre ça? Oui, parce que je suis nous ici. Tout le temps. Tu représentes toujours le prince de la lumière sur le plan matériel. Comment il t'arrête deux yeux croches? T'es toujours le plus fort. Ça, ça veut dire deux choses. Doute-toi jamais. Puis questionne-toi jamais. Parce qu'il y en a qui ont des langues sales. Ils vont te répondre, Charlie, toujours pour te faire vibrer, pour casser ton emprise sur eux autres, parce que t'as une emprise sur eux autres. Puis comment est-ce qu'ils peuvent casser ton emprise sur eux autres? C'est par ton émotionnel. Puis ils savent bien les affaires. Il y en a un des séminaires qui m'a traité de crise de baptiseur. Tout bon? Oh, t'as pas connu. Je suis la princesse des ténèbres, moi. Bon, un autre. C'est ça, l'objet. Bon, c'est ça. Fait que ça teste ta résistance émotionnelle. Ça tresse, puis ça teste, puis ça teste. Le toi, ça, c'est bien important. Vous êtes toujours des princes de lumière sur le plan matériel. Puis, troisièmement, quand vous êtes en convocation avec eux autres, en relation vibratoire avec eux autres, réalisez toujours qu'ils sont extrêmement sans intelligence. Ils sont extrêmement sans intelligence. Ça veut dire qu'ils sont extrêmement en dehors de la lumière. C'est toi qui sont là. Ils m'ont dit, une fois des toilettes, ça me dit, traque les ténèbres comme un chien qui t'aime, qui est bien achalé. Ah, c'est ça. C'est parfait. Quand tu l'aimes, tu n'as pas peur. C'est ça. Tu t'aimes comme un chien pareil. Mais tu le laisses pas manger dans ton assiette. C'est ça. Exactement. C'est ça. Parce que ce qui arrive ensuite, une fois que... Ensuite, tu peux aider à leur évolution, ces entités-là. Suivant ta vibration, ta perception, au niveau, suivant ton intelligence créative, tu peux leur dire exactement quoi faire pour sortir un peu, pour avancer leur temps. Ça fait partie de ton pouvoir interne. Fait que comme vous n'êtes pas habitué à votre pouvoir interne, des fois, vous allez dire des choses puis ça va vous surprendre. Quand vous dites quelque chose, là, ça vous surprend, là. Parce que vous parlez comme avec autorité, là. Là, l'ego, il est pas habitué à ça. Ça le surprend. Ça fait partie de votre pouvoir interne. Plus vous vous habituez à votre pouvoir interne, plus vous êtes capable de le manifester, ce pouvoir interne-là. De ça qu'éventuellement, plus tu peux... Plus t'en prends conscience, vraiment. Pardon? Plus t'en prends conscience. Veux-tu me donner un exemple de ça? Ça aurait plaisir dans mon ego, par exemple. J'étais en cours pour une expertise de... Je fais des expertises de garde d'enfants en cours. Puis il y avait... Moi, j'ai m'aidé dans la psychologie, puis il y avait... C'est parce que je l'ai donné d'autres comme exemple, les gens comprenaient bien avec ça. Il y avait un autre expert qui avait une contre-expertise, tu sais. Alors, notre avocat en contre-interrogatoire, me demande ceci. Comment pouvez-vous, madame, moi je n'envoie des témoins, comment pouvez-vous, madame, faire une expertise en 3 heures, j'ai entendu vite qu'il y avait une maîtrise, alors que mon expert, qui est docteur en psychologie, a pris 15 heures à faire son expertise. Moi, je restais assez surpris. J'allais contre le juge. Mais c'est ça la compétence, moi, j'aime. Oh, but! Tu mérites un petit billet. C'est au bout. Je me sentais comme derrière une chute d'eau. Ouais. Tu sais, je me disais, oh, ouais. C'est ça. Vous avez compris? C'est ça. Me dire une chose. Quand ça descend le supramental, là, ça crée un choc. Ça crée un choc, puis nous autres, on n'est pas habitués. Fait qu'on se demande des questions. Ben, en tout cas, l'avocat, là, il s'est assis. Il a plus rien dit. C'est évident. Ça se discute pas, ça. C'est pourquoi ça se discute pas, puis rappelle-toi-en, parce que c'est absolu. C'est ça. Bon, on va vous en parler de ça, parce que c'est bien important. Oui. On peut toujours être comme ça. Oui, ben oui. On doit être comme ça. Je suis comme ça avec vous autres, moi, c'est pour ça que ça marche. On doit être comme ça. Puis la raison qu'on n'est pas comme ça, c'est parce qu'on a des maudites émotions. Fait qu'aussitôt que ça passe, l'affaire, on la laisse pas passer. Notre émotion nous bloque en voulant dire, je peux pas parler de même, pour qui est-ce que je me prends? C'est là que vous empêchez la vibration de descendre. C'est exactement ça. Moi, quand je dis que je suis un chien, c'est justement parce que je fonctionne de même tout le temps. Fait que si les gens me prennent objectivement, ben je suis pas un chien. Je suis un chien qu'on aime. Tu comprends? Mais si les gens me prennent pas objectivement, ben c'est évident que je suis un chien. C'est exactement ça, ton patron. Parce que ça vient pas de ton ego, ça. Ton ego l'aura pas laissé passer, ça. Ben, il y aurait shaké avant, ça. Il y aurait shaké avant. Si j'avais pensé, ouais. C'est ça la peur. La peur, c'est parce qu'on pense. Parce que exactement. Si j'avais pensé, j'aurais bien peur si tu m'avais dit que ça allait dégueuler, ça allait exactement. Le gars, il peut pas rien dire devant ça parce que c'est absolu, parce que ça vient d'eux autres. Que ça soit considéré comme relatif, c'est son problème, mais lui, il pas au tien. Jamais le tien. Quand tu fonctionnes d'une façon absolue, tu fonctionnes d'une façon absolue. Il n'y a aucun critère psychologique pour déloger la valeur psychologique de ce que tu dis. C'est ça, l'absolu. Mais si ton ego vibre, pis t'as de l'émotion, mais ça passera pas. Là, tu vas bafouiller, là, pis là, il va revenir à l'attaque, pis il va te démolir, Charlie. Il doit jamais y avoir de feuille quand vous parlez. Ça doit être comme un couteau. Puis moins vous avez d'émotion, plus ça devient un couteau. Puis lui, automatiquement, il y avait. Toi, là, t'es pas un cadeau comme personnalité. Pourquoi t'es pas un cadeau comme personnalité? Parce que t'as assez de force interne, tu t'ajustes émotivement. Mais plus tu deviens mental, moins tu deviens cadeau comme personnalité. Mais ça, c'est le problème des autres, pas le tien. Puis la culpabilité, ah. C'est ça. Moi, je peux t'apprécier comme personnalité parce que jouer au-delà de ta personnalité. Mais le monde, faut pas que tu t'imagines que le monde va t'apprécier à part de ceux qui te connaissent. T'arrives pas à un avocat pour lui dire d'en faire maître. Tu fais apprécier. Puis tant que tu veux te faire apprécier, t'es fini. T'es fini. Sais-tu ce que c'est, vouloir se faire apprécier? C'est de la sympathie qu'on veut qu'on se donne, que d'autres nous donnent à soi-même, parce qu'on n'est pas sûr de soi-même. Mm-hmm. Dans mon travail, là, j'en ai beaucoup des cas dont elle parle, mais moi, je ne sais pas en tant que psychologue. Tu peux pas penser à ça. Être absolu, c'est être. Quand tu es, t'es absolu. Être absolu, c'est être. Quand tu es, t'es absolu automatiquement. Ça marche tout seul. L'agir, c'est de rendre l'être dans le temps matériel. Agir, c'est de manifester l'être dans le temps matériel. Dans le temps. Pis c'est important d'être absolu. Ça se dit pas, ça se dit entre nous autres. Mais ça se dit pas dans une convention d'hommes qui pensent ou qui sont pas conscientisés. Parce que les gens pensent pis ils jugent ce que tu dis. C'est pas ça que tu veux dire. Être absolu, ça veut dire t'énergies pas. Tu fonctionnes comme un canal. Ok. Maintenant, quand tu t'as maîtrisé pas mal ça, tu te sens pas pire, tu te sens bonne. Ben, tu te sens bien. Tu te sens bien pis t'apprécies d'être bonne. C'est ça. Sauf que, il arrive que tes coups, tu fais plus d'argent. Ouais, ben, c'est parce qu'à ce moment-là, tu travailles pour rien. Ouais. Mais moi, il y a bien du monde qui me dit ça, mais je sais pas comment faire. Bon. Si tu travailles pour rien, la bien là. Si tu travailles pour rien, tu te vides. Si tu te vides, tu perds de l'énergie, éventuellement. Tu te fatigues. Puis éventuellement, t'en as plein de casse. Puis éventuellement, faut que tu changes de vapeur. Parce que pour être bien dans ta peau, faut que tu fonctionnes. T'as besoin d'argent pour fonctionner. Sans ça, c'est du bénévolat. Puis du bénévolat, c'est une forme de spiritualité. Ouais, mais moi, je suis bien capable de discerner le bénévolat. Je discerne bien ça. Je sais que c'est quoi le bénévolat. Je veux pas en faire le bénévolat. Mais ils sont d'accord avec moi, est-ce que ça? Mm-hmm. Parce que quand tu commences à t'éclairer au plan de l'argent, curieusement, le lendemain, tu tiens trois tours dans mes rendez-vous. Il marche avec ça aussi. Quand tu discernes dans les esprits de patente comme ça, il t'attaque plus là-dedans. Il s'en va sur le plan de matériel. C'est ça, exactement. Exactement. Puis ça, le but pour gagner ta vie, c'est pas en chien, tu sais. C'est ce que tu te dis, ben là, ça va faire. Ils viennent pas se mêler avec les affaires d'argent, tu sais. Tu commences par faire croire, tu te dis, ça se peut pas, c'est moi qui ai ma vie, c'est moi qui gagne mon argent, l'argent est ordinaire, c'est. Tu sais, c'est bien ordinaire. Les formes. Ça n'a jamais expliqué et expliqué les formes. Personne n'a jamais expliqué les formes. Ils nous en ont donné des formes. Des belles, des grandes, des sacrées, tout là. Mais personne n'a jamais ma hache dedans. Là, je la ma hache dedans. Moi, j'ai fait venir deux personnes dans un séminaire. Pour rien. Ils sont pas restés à la fin du séminaire. Tout bon. Ça gueule, ça plagisait. On n'est pas capable, moi, de bon. J'ai dit, fallait venir. Il y en a un qui est parti vendredi soir, puis l'autre est parti samedi. Parce qu'ils ont pas la forme, parce que les gens sont dans des formes, mais ils ont pas la forme assez forte pour les tenir. Quand t'as payé 100 piastres, c'est de l'argent à 100 piastres. Pour une fin de semaine, pour te faire engueuler par un gars croche comme moi, tu viens d'avoir pour ton argent. Là, il reste qu'à faire. Mais les deux sont partis. C'est pour ça qu'ils me l'ont fait faire. Puis jamais j'en accepterai une autre personne qui payera pas d'un séminaire. Comme un mec qui sera vieux, qui sera vert. Je dirais, payera 5 piastres par 5 cents par semaine. D'ailleurs, c'est ce que je lui dis. Envoyez Gisèle 5 cents par semaine. Mais envoyez-les les 5 cents. Comment ça prendrait 10 ans? Faut que je peux attendre longtemps. Mais envoyez-les les 5 cents par semaine.